Le lundi 3 avril, bon midi, ici Dominique Lelièvre, les informations. Le cégep Garneau fait un pas de plus vers le laissez-passer universel au RTC. Face à l'engorgement de ses stationnements, il offrira désormais le premier mois d'autobus gratuitement à ses nouveaux étudiants, une économie de 57 $. La mesure sera financée à 50% par le cégep, les associations étudiantes et de parents ainsi que la coopérative scolaire compléteront le tableau. Le cégep Garneau souhaite ainsi faire passer le nombre d'étudiants qui utilisent le transport en commun de 36 % à 46 % puisque la voiture demeure pour le moment le moyen de transport privilégié par les quelques 8 000 étudiants de l'établissement. Les commerçants de l'avenue Maguire s'insurgent de la décision du réseau de transport de la capitale de ne plus desservir leur secteur. La fusion prévue en juin du parcours 11 avec le 21 fait disparaître 7 arrêts sur l'avenue commerçante ainsi que sur la rue Shepard. Le trajet proposé ne fait plus le détour par le quartier et longe plutôt le boulevard Laurier, de quoi inquiéter les commerçants du coin qui pestent déjà contre le manque de stationnement gratuit. Le président du RTC, Rémi Normand, affirme que la décision n'est pas définitive. Il invite la population à formuler des commentaires dans le cadre de la consultation publique qui suit son cours. Les gouvernements se montrent satisfaits du compromis offert par Bombardier relativement à la rémunération de ses cadres. À Québec comme à Ottawa, les ministres responsables de l'économie et de l'innovation ont joué de prudence en refusant de dire si l'entreprise devrait aller plus loin face à la grogne populaire. Bombardier versera finalement 16 millions de dollars à 6 de ses hauts dirigeants, malgré l'aide de plus d'un milliard de dollars octroyée en 2015 par Québec. Bombardier doublera la mise en 2020 si ses objectifs de croissance sont atteints. Dimanche, plus de 200 personnes ont manifesté devant le siège social de l'entreprise à Montréal pour réclamer l'annulation de ces augmentations salariales. Scène internationale, enfin, une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville la plus peuplée en Russie, a fait au moins 10 morts et une vingtaine de blessés. La déflagration s'est produite en milieu d'après-midi dans un seul wagon et non deux comme on l'avait cru d'abord. Une bombe artisanale a été découverte par ailleurs dans une autre station de métro. Elle a été désamorcée. Les autorités privilégient la thèse terroriste, mentionnant que la Russie est depuis plusieurs mois en état d'alerte renforcée en raison de son soutien au régime de Bachar al-Assad dans le cadre du conflit syrien. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est la dernière journée ensoleillée de la semaine, si on en croit en tout cas les prévisions d'Environnement Canada. Aujourd'hui, c'est que du soleil, un maximum de 5 degrés. Demain, mardi, ça sent nuage. La neige débute le matin et puis va se changer en pluie en cours d'après-midi. On attend une accumulation de 5 cm à Québec demain et un maximum de plus 2 degrés. Mercredi, neige intermittente ou pluie, maximum de 1 degré. Présentement à Québec, on a 2 degrés.